Passez un très bel après-midi avec nous. Là, tout de suite, c'est Histoire Vivante. Alors, tout le monde est en place. Moteur. Jean Leclerc. Et Frédéric Pfeiffer vous propose en nouvelle diffusion Histoire vivante. On avait rarement vu autant de vedettes au mètre carré. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir et de fixer l'écran toute la journée. Le cinéma est un agent de l'histoire. Histoire vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Attention où vous mettez les pieds. Des pionniers à l'industrie. Et ces lumières qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. Le cinéma américain. America for America. The government must not interfere with business. Aujourd'hui, dans les environs de l'Hainaut, le 4x4 a remplacé le cheval. Looking at the new waitress. Et si vous deviez choisir, vous seriez plutôt John Wayne ou James Stewart? Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Klotz, je suis réalisateur. Je travaille actuellement sur un documentaire à propos du Rwanda, à propos du génocide des Tutsis au Rwanda. J'ai déjà fait plusieurs films sur la question et là j'en prépare un autre qui essaye de faire le point sur tout ce qu'on sait aujourd'hui. Autant dire que celui dont nous allons parler aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec les questions tragique de l'Afrique ou plus largement. C'est pas si sûr. Ah. Parce que. Avant qu'on entre tout de suite, on va peut-être faire les présentations. Quel est le titre de ce documentaire? Le film s'appelle John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique. Alors, il faut déjà au départ situer ce John Martin Finney, alias John Ford. Qui est-il pour ceux qui, à tout hasard, mais il y en a quand même, qui ne le connaîtraient pas? Beaucoup de gens, peut-être, ne connaissent pas son nom directement, ou vont plutôt confondre avec Harrison Ford ou les voitures, même, ça m'est arrivé d'entendre ça. Tout à fait. Par contre, ils connaissent forcément certains de ses films, puisque John Ford a fait près de 150 films. Le documentaire que j'ai réalisé s'intéresse à sa période de western. Il y a de très fortes chances que les gens qui nous écoutent aient au moins vu un de ces grands westerns. Et il faut bien préciser que quand vous dites qu'il a fait 150 films, il les a fait en tant que réalisateur. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'on compte aussi tous les films qu'il a fait du temps du muet, des courts-métrages, mais enfin, il a une carrière incroyable qui s'est étalée sur près de 50 ans, en fait. Hein. C'est un homme, on aura l'occasion d'en parler, au tempérament tout à fait extraordinaire. Dans un entretien qui doit dater des années, milieu des années 60, où il accepte exceptionnellement de recevoir des journalistes, et qui plus est français, ce qui a l'air de l'amuser. Il est cloué au fond d'un lit, il est à moitié sourd, il a quand même un verre à la main, parce que ça c'est un compagnon de longue date. Il semble dire, quand on lui demande « Quel est donc le premier film, Monsieur Ford, que vous avez tourné ?» J'en sais rien du tout, je m'en rappelle pas. Et puis, alors bon, on peut imaginer qu'il joue un peu, mais peut-être pas tant que ça. Une grande partie, il semble en tout cas que... Si j'ai bien lu un tiers de sa filmographie, donc les premiers, les muets, a complètement disparu. On en a retrouvé un peu miraculeusement en 2010, mais sinon, ça a disparu. C'est vrai, et on en a retrouvé un récemment. Alors après, nous, le film s'intéresse à la période du parlant, en fait, hein, ouais. À partir des années 30. Oui, ça avait l'air d'être un sacré... mauvais coucheur. Le journaliste dans cette archive lui demande comment êtes-vous arrivé à Hollywood, et il répond en train. Monsieur Ford, where do you come from? Portland, Maine. Portland, Maine? Well, Pitts Island, Maine. And when have you started making movie pictures? 1916. Here in Hollywood? Yes. Mm-hmm. How did you come to the movie pictures, I may say so? By train. Il était très drôle, mais il devait être, très difficile. De toute façon, quasiment impossible à interviewer, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Oui, en effet, parce que faites découvrir une archive qui est une interview que tente un autre réalisateur, Peter Bogdanovich. Oui. Bon, effectivement, ça patine sérieusement. Vous l'auriez eu, vous, devant votre caméra. J'imagine que vous y avez quand même sérieusement pensé. Par quel russe de Sioux, ou de Comanche, ou de Jivaro seriez-vous passé? Mais je pense que Bogdanovich a la bonne attitude. C'est-à-dire, au lieu de dire, bon, c'est fichu, ça va pas marcher, cet extrait parle très très bien du personnage. Vous voyez, c'est la convention de l'interview qui ne lui convient pas à Ford, mais ça n'empêche que sa manière de l'envoyer dans les cordes parle beaucoup du personnage. Et puis en plus, c'est très drôle, quoi. C'est l'idée de finalement qu'on retrouve dans le western, c'est le cheval désarçonne le cavalier jusqu'à ce que le cavalier ait trouvé la parade pour rester sur la selle. C'est vrai, et c'est aussi la différence entre le journalisme et le cinéma, si vous voulez. Bogdanovich, hein, qui se retrouve là en position de journaliste, mais il est cinéaste, vous l'avez dit, peut se permettre d'utiliser le hors-champ, ce qu'on peut difficilement faire dans une convention habituelle. En tout cas, le film, nous, on l'ouvre comme ça, sur le principe, de toute façon, il ne faut pas compter sur Ford pour qu'il nous parle de lui. Ce sont ses films qui vont parler de lui. 11, take one. Take one. More than one take, will I? Shoot. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale western, and you had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Il a dit quand même dans un autre entretien qu'il a fait mille et un métiers, il a croisé mille et une vies, ça lui permet notamment de parler un petit peu français parce qu'il a côtoyé tout un monde dans sa prime jeunesse où on parlait français avec l'accent normand, précise-t-il. Il a fait marin, il a fait ça, la marine, tout au moins la mer, ça le poursuivra longtemps. Il a été également cow-boy. Il a été juché sur les chevaux à garder ou à entourer les vaches. Et on peut imaginer qu'effectivement, cette matière western du cow-boy, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un objet un peu lointain, un objet de mode qu'il travaille comme un genre cinématographique comme un autre. Non, c'est quelque chose qui est constitutif à sa personne. Oui, il a peut-être eu une expérience de cow-boy, mais de ce que j'ai compris, il aimait pas spécialement les chevaux, il aimait pas spécialement monter à cheval, et comme vous l'avez dit, c'était plutôt un homme de la mer, alors c'est assez paradoxal. Moi, je crois qu'il aimait le western parce que c'était un genre à l'époque qui était considéré comme mineur, hein, auquel lui va donner toutes ses lettres de noblesse, mais donc il pouvait travailler relativement en paix, en fait, parce que les gens ne prenaient pas ça vraiment au sérieux. Moi, je le vois plutôt comme ça. On va finir la présentation de John Ford pour rappeler que, bon, il y a cette quantité de films, mais cette filmographie gigantesque, qui plus est, se voit primée, voire surprimée. Oui, oui, il a eu 5 Oscars. À l'heure actuelle, je pense que c'est un record, hein, 5 Oscars de réalisateur, c'est incroyable. Mais bon, il aurait pu en avoir davantage quand on regarde tous ses films. C'est un des plus grands réalisateurs qui existe, hein, à l'heure actuelle. John Ford est déjà un réalisateur confirmé lorsqu'il découvre Monument Valley pour la première fois en 1938. Il a déjà une centaine de films derrière lui, la plupart tournés du temps du muet. Mais Ford va puiser dans ses paysages l'inspiration qui va nourrir la suite de sa carrière. Celle qui commence avec Le Parlant, et qui concentre ses plus grands chefs-d'œuvre. Une période d'une créativité exceptionnelle et qui placera définitivement le western au cœur même de l'identité américaine. John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique, c'est le titre du documentaire dont nous parlons aujourd'hui avec son réalisateur Jean-Christophe Klotz. Moi, je me suis écrit, c'est le cinéaste des grands espaces et des petites gens en même temps. Est-ce que cette proposition vous sied ? Oui, absolument. Il y a quelque chose au niveau de l'échelle, en fait. Esthétiquement, c'est vrai qu'on voit souvent, c'est le début de La Prisonnière du désert, par exemple, on voit John Wayne arriver, mais tout petit, dans ce décor immense. Alors lui, il vous enverrait sur les roses si on... Oui, oui, je le garde. Mais moi, je vais vous répondre poliment. Merci. Je pense qu'il rappelle là, si vous voulez, le vertige de la condition humaine, quoi. Les petites gens, mais qui peuvent avoir des grandes destinées, mais qui sont, ils jouent beaucoup sur ce rapport-là. Ils s'intéressent pas tellement aux héros, aux types qui la ramènent. Vous voyez, ces personnages sont souvent, comme vous dites, des petites gens, enfin des gens ordinaires, mais qui vont être confrontés à des situations extraordinaires, évidemment, sinon il y aurait pas de cinéma. Le cinéma de John Ford, on va y revenir au travers d'une définition que vous donnez, Jean-Christophe Klotz, dans votre documentaire « John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique ». Il tourne vite, il respecte les budgets, ce qui lui permet notamment de garder la maîtrise du montage en ne multipliant pas les prises de vue. John Ford, dites-vous, est celui d'une promesse, une réconciliation de l'Amérique avec elle-même. Alors comme vous avez rappelé le titre de votre film, je vais y revenir, « L'homme qui inventa l'Amérique ». Qu'est-ce que vous sous-entendez là, Jean-Christophe Klotz ? L'Amérique, c'est vraiment le pays du cinéma, si vous voulez. Je vais vous parler d'une expérience très, très simple, hein, c'est que j'ai tourné beaucoup de documentaires, j'étais longtemps journaliste, et quand vous interviewez des gens aux États-Unis, ils ont un espèce de naturel devant la caméra, c'est assez incroyable. Et je crois que c'est un pays jeune et qui a grandi avec le cinéma. Et donc, à partir de là, j'ai réfléchi au fait que le cinéma est complètement constitutif de l'identité américaine. L'identité américaine, c'est l'identité de la conquête de l'Ouest, donc le western. Et en étudiant d'un peu plus près l'œuvre de Ford, au-delà des clichés et du fait qu'on a tous vu ces films quand on était souvent gamin, mais les revoir un peu plus mûrs, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, lui-même travaille sur le cliché historique. Il déconstruit en permanence la légende américaine, en rappelant qu'il s'agit d'une fiction, que l'identité américaine, comme toutes les identités, même individuelles, ce sont des fictions. C'est une manière de raconter son histoire. Il s'en servira même dans une réplique de film. Absolument, absolument. La réplique la plus célèbre est dans « L'homme qui tua Liberty Valance ». Alors, elle est difficile à traduire, mais en gros, elle dit « Nous, dans l'Ouest, ce qui compte, c'est la légende, plus que les faits ». Quand la vérité dépasse la légende, imprimez la légende. When the legend becomes fact, print the legend. Après, sur la promesse, si vous voulez, Ford est parfois considéré comme un peu un réactionnaire. Moi, je pense qu'il était conservateur, bien sûr, mais réactionnaire, je ne crois pas. Et moi, ce qui me frappe dans ses films, c'est son très profond humanisme. Donc, ça parle aussi des États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous avez des humanistes à gauche et à droite. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas chez nous, mais si vous voulez, les frontières politiques ne sont pas forcément les mêmes. C'est plutôt progressiste et réactionnaire. Au début de sa vie, il était plutôt de gauche. En vieillissant, comme pas mal de gens, il s'est un peu droitisé. Mais on voit toujours dans ses films cette générosité, cet humanisme. Moi, c'est ça l'Amérique que j'aime, c'est celle-là, c'est celle de la promesse d'un monde meilleur où tout le monde pourrait trouver sa place. Et en fait, c'est une fiction, si vous voulez. Le rêve américain, ce que dit l'œuvre de Ford, c'est que c'est une fiction. Il ne le dit pas tout de suite parce qu'il y croit longtemps. Et puis, petit à petit, quand on voit l'évolution de ses films, il a un regard très lucide et très dur sur l'Amérique. Et c'est tout le propos du documentaire, c'est effectivement de voir où en est la promesse américaine aujourd'hui, dans le contexte politique qu'on connaît, qui est si difficile. Extrait de John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique, de Jean-Christophe Klotz. Je voudrais présenter mes excuses au monde entier pour Donald Trump. Il n'a rien à voir avec John Wayne, ni même avec aucun président qui l'a précédé ou, espérons-le, qui lui succédera. Il a passé toute sa vie dans un cocon, protégé par sa fortune et par son nom. Il n'a jamais été confronté à l'adversité, et il serait incapable d'y faire face. John Wayne would be very, very proud of you right now. Trump est un formidable raconteur d'histoire, mais pas comme Ford, qui lui était un génie de l'image, un réalisateur de génie. Trump, grâce à son expérience en télé-réalité, sait comment vendre une histoire. Et souvent en politique, il s'agit d'avoir la meilleure histoire et savoir la raconter. Parce que notre nation a été éduquée par le cinéma, par des histoires, des récits en images, on a tendance à les prendre telles quelles sans les questionner. Ce dont on a besoin, à mon avis, maintenant que notre pays a grandi et plus mature, c'est de faire preuve d'un peu plus de discernement et mieux choisir les histoires auxquelles on croit et pourquoi on y croit. Et je pense que John Ford l'avait bien compris. Mon métier, c'est de raconter des histoires, pas de faire de la politique, répétait John Ford. Mais les histoires que raconte Ford s'inscrivent elles-mêmes dans la grande histoire. C'est sa manière à lui d'interpeller les consciences. Christophe Klotz, on a parlé précédemment à la fois du bonhomme, de sa carrière. On a cité seulement quelques films, mais il faudrait peut-être en donner encore, si vous le voulez bien, deux, trois pour rappel. Et les gens feront « Ah, mais bon sang, mais bien sûr, je l'ai vu, ce John Ford ». Alors, je vous lance « Les raisins de la colère », quoique ce n'est pas tout à fait un western. Tout à fait. Alors, il disait que c'était un western, enfin, lui, il pensait faire un western contemporain. Ouais. Contemporain de l'époque, donc pendant la crise de 29. Peut-être les gens se souviennent, enfin, les raisins de la colère, ils se souviennent sans doute du roman de Steinbeck, mais au niveau de ces westerns les plus connus, c'est La prisonnière du désert, La chevauchée fantastique, La charge héroïque, L'homme qui tue à Liberty Valance, Les Cheyennes. Well, you're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a bead on me. Then what are you doing a thing like this for, against your own people? $3 a day, that's what I'm doing it for. Pour beaucoup de gens, dès qu'on entend ces titres, on revoit toutes ces images et tous ces films qu'on a vus gamin, quoi. En tout cas, c'est mon cas. Now go on, get out of the way! Dans votre documentaire, on voit un certain nombre d'extraits de ces films, et on sait parfois les difficultés qu'il peut y avoir, notamment pécuniaires, quand il s'agit d'avoir des extraits de films. Oh bah oui, c'est toujours difficile. C'est des contraintes importantes qui influent aussi sur le montage et la forme du film. En l'occurrence, on avait un accord avec un producteur qui avait certains droits sur ces films RKO. Et puis, on peut aussi se servir des bandes-annonces. Donc, c'est tout un jeu de Rubik's Cube pour essayer d'arbitrer entre certains extraits qui nous semblaient absolument indispensables et puis d'autres passages qui sont tirés des bandes-annonces. Mais oui, ça nécessite un peu d'acrobatie, évidemment. Si vous voulez, c'est un jeu entre le producteur et le réalisateur. Le réalisateur, moi, si j'avais pu mettre beaucoup plus d'extraits, je l'aurais fait. En même temps, c'est impossible. Les droits sont tellement élevés. Et aussi, ça permet peut-être d'avoir une vision plus précise sur le fil narratif du documentaire lui-même. That's my stake, Balance. Dans la construction du documentaire, comment ça vous est venu? C'est en regardant un jour par hasard, un dimanche pluvieux, un John Ford qui était rangé dans un coin de la vidéothèque, et puis vous vous êtes dit, mais je pourrais peut-être bien faire quelque chose dans cette direction? Comment c'est? Non. Moi, je suis d'une famille de cinéastes, donc j'ai été nourri au grand classique. Très bonne nourriture. Bien sûr, voilà, je me porte bien. Et en fait, j'ai fait subir le même sort à mon petit garçon, qui maintenant a 13 ans, mais depuis qu'il a peut-être 6 ans, 7 ans, je lui montre des grands classiques et j'en profite pour les revoir. Et puis, je suis très attaché aux États-Unis. Je suis moi-même, j'ai une double nationalité, même si j'ai grandi en France. Pour moi, l'Amérique, c'est absolument le pays des possibles. Donc, il y a mon amour du cinéma, il y a mon amour de l'Amérique, il y a l'envie de faire découvrir ce cinéaste incroyable à des plus jeunes générations. Et puis, c'est une idée qui vient d'un producteur avec qui on avait envie de travailler et qu'on parlait de différents sujets. Puis il me dit, ah, puis on a cette idée-là, mais je ne sais pas si ça va t'intéresser. On aimerait bien faire quelque chose sur John Ford. Alors j'ai oui. J'ai dit, bah, merci pour la perche. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film et à traiter de ces sujets. C'est-à-dire, c'est pas un portrait de John Ford. Hein. C'est plutôt à travers l'œuvre de John Ford où en sont les États-Unis aujourd'hui. C'est plutôt ça la démarche, en fait. Et au fil du film, on découvre évidemment toute cette œuvre fantastique. La chevauchée fantastique marque également le début de la relation quasi fusionnelle qui va lier John Ford à un certain Marion Morrison, plus connu sous le pseudonyme de John Wayne, à qui il confie son premier grand rôle. John Ford va faire de ce grand gaillard à la démarche brinque-ballante le personnage récurrent de sa chronique de l'Amérique, porteur de toutes ses ambiguïtés. Je pense que ils étaient très proches, ils avaient une relation quasi filiale, quoi. Ils avaient des idées diamétralement opposées. Je pense que Ford a utilisé, vraiment, c'est lui qui a forgé le personnage de John Wayne, hein, qui représente l'Ouest éternel. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment, au fil de son œuvre, il va jouer avec cette figure mythique. On va voir les fêlures chez John Wayne. Il y a même un film où il est franchement raciste et tout à fait antipathique. C'est La prisonnière du désert. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir comment Ford utilise et comment John Wayne accepte. Alors, je ne me rends pas compte à quel point il en était conscient, mais comment Ford travaille ce personnage tout au long de son œuvre. Mais l'associer aux idées ultra-conservatrice de John Wayne me paraît injuste. Jusqu'à la fin de sa vie, Ford a dénoncé le racisme, mais sans aucune ambiguïté. Hein. Le sergent noir en français, qui s'appelle Sergeant Rutledge en anglais, c'est vraiment un plaidoyer antiraciste extrêmement puissant, et c'est fait pendant les années 60, pendant les luttes pour les droits civiques. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Jean-Christophe Klotz, le temps de l'explication est enfin venu. Vous nous disiez en début d'entretien, figurez-vous qu'il y a peut-être un lien à tisser entre ce documentaire sur John Ford et puis mon travail, le vôtre en l'occurrence, autour du Rwanda. Alors, expliquez-vous. Moi, je pense que quand on s'intéresse à certains sujets, il n'y a pas de hasard. C'était pas du tout prémédité, mais en écoutant et en étudiant de près l'œuvre de Ford, en entendant ses différents entretiens, on s'aperçoit que, au fil de son œuvre, son propos devient très pessimiste sur la nature humaine, en fait. Quand il fait les Cheyennes, c'est vraiment une réflexion sur le génocide, hein, sur la pulsion génocidaire. Et c'est sans ambiguïté pour moi qu'il dénonce le génocide des Indiens d'Amérique. Et dans un entretien qu'il a accordé à la BBC, qui revient à plusieurs reprises dans le film, il parle de la notion de génocide. Il dit que c'est vraiment une notion qui est constitutive de la nature humaine. Et évidemment, moi qui ai beaucoup travaillé sur le Rwanda, j'y ai vu là un parallèle qui m'a bouleversé. Hein. Vraiment, au-delà du western, des cowboys, des Indiens, des clichés, il a un propos politique et philosophique extrêmement fort. Il ne le verbalise pas. Il le montre dans sa mise en scène, dans sa réalisation. C'est surtout dans les Cheyennes, il y a un plan absolument incroyable où Karl Malden, qui est un officier borné, têtu, se rend compte qu'il est responsable d'un massacre et il marche comme un automate au milieu des corps indiens. C'est absolument bouleversant. Et il y a pas une parole qui est prononcée. C'est dans le silence complet, c'est glaçant. C'est un cinéaste très politique, même s'il refuserait certainement le terme, et philosophique. Aujourd'hui, John Ford porte à l'écran pour Warner Bros. Le très grand roman historique de Mary Sandoz, Les Cheyennes. Cette histoire se situe à l'époque où les États-Unis luttaient pour préserver leurs frontières durement acquises, lorsque le pays et son peuple étaient rudes, héroïques et parfois cruel. Réalisé en Technicolor et en Super Panavision 70 mm, les Cheyennes... Jean-Christophe Klotz, vous évoquez dans votre commentaire la notion des archives personnelles. Alors, au-delà de son travail et du matériau filmique, vous faisiez référence à quoi en particulier ? De la correspondance, des images privées ? On a pu avoir accès à ces films de famille, hein, grâce à son petit-fils, Dan Ford. Évidemment, par définition, on ne le voit jamais dans ces films. Et donc là, tout à coup, on voit l'homme dans son quotidien. Donc c'est toujours assez puissant, assez intéressant de voir ça. Et arrosé Oui, on le voit, un verre à la main. On le voit assez souvent, un verre à la main. Et puis, on a pu avoir accès à toute sa correspondance qui est dans une petite bibliothèque aux États-Unis, près d'Indianapolis. Et donc, c'est vrai que c'est assez émouvant de pouvoir tenir en main ses papiers personnels, son courrier. Et puis, moi, j'avais aucun, à part les films de Ford, j'avais aucun moyen de connaître le bonhomme. Donc, voilà, c'est toujours très émouvant de pouvoir jeter un œil sur ses lettres, sur des photos personnelles. Enfin, on n'est pas allé dans l'indiscrétion, c'était pas du tout le propos. Mais par contre, ça permet d'avoir une vision, d'affiner la vision de son œuvre, je pense. Hein. Au fil de la lecture de ses archives personnelles, on découvre un Ford multiple, insaisissable. John Ford détestait les étiquettes, autant celle de gauchiste que celle de réactionnaire qu'on tentera de lui accoler par la suite. Dans une lettre adressée à son neveu Bob, engagé volontaire auprès des Républicains pendant la guerre d'Espagne, Ford se déclare être un social-démocrate convaincu, qui est et restera toujours de gauche. Publiquement, John Ford a toujours pris soin de brouiller les pistes sur son engagement politique. Mais ses films parlent pour lui. On y retrouve les valeurs qu'il considérait comme son véritable héritage familial, lui, le fils d'immigrants irlandais. Sa haine de l'injustice et sa profonde espérance en un avenir meilleur, moteur du rêve américain. Jean-Christophe Klotz, on peut dire que vous multipliez les casquettes parce que non seulement vous êtes donc cinéphile, vous réalisez vous-même des documentaires, mais qui plus est, vous êtes musicien. Et vous signez notamment la partition. Oui, alors je suis content que vous m'interrogiez là-dessus parce que c'est très important pour moi. Et si vous voulez, quand on est réalisateur, qu'on construit un film, qu'on est à la table de montage, on a une approche souvent très analytique de ce qu'on fait. On nous demande 25 notes d'intention, il faut tout expliquer par A plus B, avant même que de commencer le film. Hein. Et la musique me permet de retrouver... une spontanéité, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de l'impression, de l'affectif. Sans la musique, je retrouve un petit peu les sensations, vous voyez. Et alors, ce qui était très intéressant sur ce film-là, c'est que, comme les images, dès qu'on voit une image de Ford, d'un film de Ford, pour moi, c'est comme la Madeleine de Proust, on est replongé dans notre enfance, dans les films qu'on voyait. Vous voyez, tout de suite, quand vous voyez Monument Valley, ça y est, vous êtes dans l'Ouest américain, vous êtes au cinéma, tout de suite. Et j'ai essayé de retrouver ça dans la musique, c'est-à-dire les musiques qui correspondent à l'Ouest américain, qui ont été popularisées par les films, beaucoup. Il y a certaines harmonies qui sont des harmonies très très simples, proches de la musique classique. Et donc j'ai essayé on retrouve trois bribes de notes, et ça y est, comme avec les yeux, avec les oreilles, on est tout de suite replongé dans cette époque, dans cet univers. Et voilà, c'était très amusant et intéressant à faire. Mon frère Thomas, vous savez que je suis venu ici pour accomplir une tâche. Ce serait déserter. Mais vous obstinez à rester, vous servira à quoi? Tout au moins à leur montrer que je suis de leur côté. Il faudra pour ça changer de couleur. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci. Vous savez comment ils vous appellent? Véros. Et Véros veut dire araignée. Parfaitement. Et c'est ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils pensent de nous et tous. Et ils ont pour cela de bonnes raisons. Combien de Cheyennes avez-vous combattu? Combien en avez-vous tué? Une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.